passe ou c'est toi hein, qu'on le passe. Là, putain, c'est vrai qu'on... Moi je suis sûre qu'il nous aime plus et c'est pour ça, voilà. Oh Nicole, il nous laisse pas tomber, non.